es élevé très haut. Personne d'autre n'est élevé comme toi. Tu es élevé, tu es élevé. Et tu en es digne, Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons de tout notre cœur. Tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la sagesse, à toi la magnificence, à toi la science. Merci pour ta présence. Merci pour tes œuvres insondables. Bénis cette réunion, Seigneur. Viens et prends tout en contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons devant le Seigneur. Tu vas accueillir celui qui est à côté de toi et dis-lui que nous sommes dans les eaux profondes. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis quelques années, nous avons 4 programmes annuels. Au mois de mars, la semaine des eaux profondes, qui commence aujourd'hui. Au mois de juin, tout le mois de juin, le mois du tournant décisif. Et au mois d'août, cette année ça devrait être du 5 au 11 août, la convention des jeunes pour les changements. Et puis au mois de décembre, les semaines des grâces insondables. Au travers de ces activités, Dieu essaye de nous amener à pénétrer en profondeur dans sa connaissance, nous exposer à sa lumière, nous exposer à la parole de Dieu, afin que les ténèbres se dissipent et que la lumière vienne, et que notre appel de lumière des nations et porteur de salut aux extrémités de la terre devienne de plus en plus une réalité. Dans ces programmes, Dieu essaie de nous attirer à lui, dans les profondeurs de notre relation avec lui. Nous aider à pénétrer l'intimité avec Dieu. Mais dans ce programme, nous essayons aussi d'attirer Dieu de plus en plus vers nous. Attirer Dieu davantage vers nous. Au travers de notre louange, de notre adoration, de notre conformité un peu plus avancée avec la volonté de Dieu. Dieu devient un peu plus réel. Amener Dieu à devenir de plus en plus réel dans notre vie. C'est aussi dans ce programme élever les niveaux de notre connaissance de Dieu, de Yahweh, de l'Éternel, et aiguiser notre efficacité à marcher dans la victoire durant notre séjour sur la terre. C'est aussi de développer notre efficacité à servir Dieu et à devenir une bénédiction dans notre génération, ou alors nous exercer à pénétrer les mystères de la grâce de Dieu. Et ces mystères nous propulsent vers les sphères de notre utilité. Nous sommes sur la terre et quelquefois on n'est pas utile. Mais quand nous nous entrons dans le mystère de la grâce de Dieu, Dieu nous propulse dans le schéma de l'utilité. Nous devenons davantage utiles pour notre prochain, utiles dans notre destinée, utiles au maximum pour Dieu. Loin de nous, la pensée de la complaisance dans la marche avec Dieu, où certains pensent que si j'ai déjà reçu Christ, ça me suffit. J'attends la trompette qui va sonner au puis on part au ciel. Il ne suffit pas. Nous avons une mission sur la terre et nous devons l'accomplir. C'est pourquoi soyez les bienvenus dans les semaines des eaux profondes. Nous vous accueillons dans les semaines des eaux profondes. Que Dieu vous amène dans les eaux profondes de la connaissance de Dieu. Frères, sœurs, ne ratez pas ce programme. Nous pouvons baigner dans les profondeurs de Dieu. Nous pouvons ressembler davantage à Dieu, à Christ. Que Dieu vous libère de toutes ces choses qui vous éloignent de Dieu. Que Dieu vous fasse racheter le temps. Ça fait longtemps que vous avez cru à Jésus. Mais quelle est la rentabilité? Quel est le rendement de votre existence dans la famille de Dieu? Voici une opportunité de nous rendre davantage rentables. Dites rentable. Rentable. Pour Dieu et pour nous-mêmes. Vous savez, lorsque ta vie ne marche pas, ce n'est pas Dieu qui souffre seulement, c'est aussi toi qui souffres. En fait, c'est toi qui perds. C'est aussi toi qui perds. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre une minute pour prier. Lève-toi là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être disponible dans ce programme. Tu vas dire, Seigneur, façonne, aménage mon cœur. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Commence à prier Dieu. Dites, Seigneur, aide-moi, je veux être disponible. Je veux être dans ce programme. Je veux être là, Seigneur. Je veux prendre ma part durant ce programme. Prions le Seigneur. Quelques prières. Demande à Dieu de t'aider toi-même. Tu pries pour toi-même. Seigneur, aide-moi. Je veux être là. Je veux être une bénédiction. Je veux être béni. Je veux obtenir grâce. Quelques prières, le Seigneur. Quelques prières. Quelques prières. Quelques prières. Expose-toi. Expose ton cœur. Expose ta vie à l'Esprit. Expose-toi à l'Esprit. Expose-toi à l'Esprit. Expose-toi. Père, je bénis ton nom pour ce programme dans lequel tu nous invites. Nous sommes présents et nous sommes là. Nous sommes disposés et disponibles. Yahweh Dieu, aide-nous à avancer avec toi dans ces eaux profondes de ta connaissance. Que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Encadre-nous, Saint-Esprit. Tiens-nous la main, ô Dieu, et fais-nous trouver grâce et faveur devant toi. Durant ces deux semaines, que ton trône soit ouvert. Durant ces deux semaines, déverse ta rosée. Durant ces deux semaines, laisse-toi trouver à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. On acclame bien le Seigneur. Nous asseyons devant le Seigneur. Et nous avons la joie ce matin d'avoir notre bien-aimé, notre missionnaire à Walikale, le couple Timothée que nous invitons pour saluer l'assemblée. Et venez s'il vous plaît avec maman. Caribou, on peut l'accueillir maintenant. Amen. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver auprès de nos parents. Vous savez, ça faisait longtemps que nous étions à Walikale et nous sommes venus encore pour nous abreuver encore. Et nous voulons présenter aussi les salutations des archois de Walikale à l'église. Donc nous sommes à Walikale depuis février et le 4 mars, on a lancé notre premier kilt. Donc ça fait déjà une année que nous sommes là. Et le Seigneur nous fait grâce. Il y a une très grande grâce qui nous accompagne à Walikale. Et cette grâce-là, c'est le fruit de vos prières. Donc j'aimerais rassurer quelqu'un que ces prières en notre faveur sont exaucées de la part de notre Dieu. On aura beaucoup à parler. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, Dieu fait de grandes choses et l'église a d'ailleurs de prospérer. Les gens viennent, les gens sont délivrés, les malades sont guéris et l'évangile est en train de progresser dans la région. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. En fait, il aura beaucoup à parler. Je crois qu'on va lui donner le temps au courant de la semaine. Il y a des merveilles que Dieu est en train d'accomplir avec ce couple. N'est-ce pas, maman? Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons notre frère aussi qui est venu de Bujumbura pour participer aux eaux profondes. Soyez les bienvenus. Je vais saluer l'assemblée. Il m'a dit avant-hier, pasteur, je viens, je dois participer aux eaux profondes. Il est à Bujumbura, Karibu. Amen. Et nous avons la grande joie d'avoir notre frère Suleiman Galadi Salifou. Ce nom vous dit quelque chose? Qui vient du Niger. Et Karibu. Travaille avec Samaritan Purse pendant plusieurs années. Il est dans le programme de Ebola. Samaritan, ils ont ouvert aussi un centre à Comanda de rescue pour les difficultés d'Ebola. Mais c'est un serviteur de Dieu au Niger. Et il est venu pour nous enseigner sur l'islam. Et tous les bâtisseurs, tous les évangélistes, nous avons un programme marathon tous les jours de 6h à 7h20 à partir de demain, lundi, jusqu'à vendredi. Mais j'aimerais qu'on l'écoute un peu. Vous voulez l'écouter? Ok, Karibu. Chanté. Salam alaikum. Je vais demander à ceux qui étaient au premier culte, s'il y en a, de laisser ceux qui sont venus y répondre. Parce que j'aimerais poser la question à tous les frères et sœurs qui sont ici en Christ. Qui fait la salutation salam alaikum? Selon vous, qui salue en disant salam alaikum? Non, ce ne sont pas les musulmans. Réfléchissez encore. Non, ce ne sont pas les arabes aussi. Salam alaikum. Qui salue en disant salam alaikum? Et qui connaît la réponse à salam alaikum? Alléluia. Salam alaikum, c'est la salutation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui salue en disant salam alaikum. Que la paix soit avec vous. 600 ans avant les musulmans. Amen. C'est notre héritage. C'est le chrétien qui est porteur de paix. La paix du Seigneur qui dit salam alaikum. Et la réponse est amen alaikum wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je sais. Cela signifie la paix seulement et que la paix soit avec vous. Et dans l'échange que je vais avoir cette semaine, c'est en partie pour que vous compreniez à quel point est-ce que Christ a travaillé, à quel point il a laissé un héritage qui est considérable. L'islam tel que nous le voyons n'est rien d'autre que l'un des fruits du christianisme. Parce que 70% de ce que vous avez dans l'islam, voire même 90%, vient de Christ. Mon nom Suleiman signifie Salomon. Si vous entendez, on vous dit Youssouf, ça veut dire Joseph. Ibrahim, c'est Abraham. Noufou, c'est Noé. Vous comprenez? Beaucoup de choses que vous ne savez pas, parce que la langue a changé, vous pensez que c'est des choses qui sont pour eux, là, les musulmans. Ne vous trompez pas. C'est l'héritage de Christ qui est en eux, mais ils ont été trompés. Maintenant, dans l'échange que nous allons faire cette semaine, nous allons parler sur qu'est-ce qui est l'islam. Le prophète des musulmans, qui est-il? Pourquoi donc a-t-il amené cette religion? Quelle est sa base? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la religion islamique, elle tire son origine de Jean. Dans le livre de Jean, quand vous lisez le chapitre 16, du verset 7 à 14, c'est là-bas que les musulmans disent que le Christ et la Bible parlent de la religion musulmane. Et ils tirent leur légitimité de la Bible. Nous allons échanger sur cela. Mais aussi, qu'est-ce que l'islam représente pour chacun d'entre vous au Congo aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie dans votre vie de chrétien au Congo? Est-ce que l'islam est quelque chose qui vous concerne en réalité, oui ou non? Nous allons échanger sur un plan qui a été préparé sur 50 ans pour islamiser l'Afrique. Et ce plan est en train de réussir. Et ce plan est en avance, même sur le calendrier qu'ils ont donné. Je vais demander ce que j'ai demandé tout à l'heure à ceux qui ont plus de 50 ans de lever la main. Ceux qui ont plus de 50 ans. Je vais demander à la maman qui est noire ici, quand vous étiez enfant, est-ce que vous voyez des musulmans? La maman a répondu non. Mais maintenant, est-ce que vous les voyez? Vous les voyez? Est-ce que vous attendez l'appel à la prière? Allah Akbar, la ilaha illallah. Merci. Alors, il faut que vous compreniez que ce qui était loin, qui était abstrait, est devenu concret et qu'il est venu chez vous, vous trouver, et qu'il progresse. Si la maman ne voyait pas de musulmans aujourd'hui, elle les voit. Qu'est-ce que vous pensez que ses enfants et les enfants de ses enfants vont voir? Puisque c'est une progression. Comment imaginez-vous le Congo dans 20 ans? Amen. Alors, je veux que nous l'échangions pendant cette semaine sur votre rôle en tant que chrétien aujourd'hui dans le défi du monde. Il y a des pays où il y a 20 ans, il n'y avait que 8% de chrétiens aujourd'hui et de musulmans. Ils sont aujourd'hui à 44%, en moins de 20 ans. Des pays soi-disant chrétiens comme le Congo, mais où l'Église s'est endormie, et je remercie le Seigneur pour quelque chose. Lorsque le papa m'a appelé hier, Eston, on s'est assis, on a commencé à parler, il m'a dit, tu sais, Suleiman, nous sommes en train de parler du thème de la stagnation. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Parce que dans mon échange que je fais vers la fin, j'explique pourquoi est-ce que l'islam réussit dans le monde, dans des pays soi-disant chrétiens. Parce que l'Église, elle a stagné. Et l'islam a gardé ce côté missionnaire de Christ, c'est qu'il progresse sans arrêt. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que le musulman qui n'a pas l'assurance du salut, le matin quand il se lève, il n'est pas dans le confort comme le chrétien. Lui, il évangélise et il travaille pour sa foi. On va parler de tout cela. Au final, je vais vous inviter à venir parce que je vous garantis une chose, vous serez surpris par ce que vous allez découvrir sur l'islam mais aussi sur la foi chrétienne à travers justement l'islam. Parce que l'islam, c'est le nouveau défi que nous avons. On se pose souvent la question, et je vais finir là-dessus, je vais parler de ça avec le papa Stone. Souvent, on enseigne beaucoup sur Jésus, qui il est, son parcours, sa mission, son alliance, mais on n'enseigne pas souvent sur le diable. On ne connaît pas le diable. Et quand il vient, il tape à la porte, on ne sait pas le reconnaître. Quand le diable, du matin jusqu'au soir, on dit, oui, Jésus, Seigneur, merci, parce qu'il m'a aidé ici. Je sais quand Jésus m'a aidé, n'est-ce pas? Mais quand le diable m'attaque dans la journée, est-ce que je sais reconnaître Satan, c'est toi? Je t'ai reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? On va parler de tout cela pendant la semaine. Je vous invite à venir le matin. Je sais que c'est tôt, mais il n'est pas d'heure pour les chrétiens. Amen. Amen. Merci. Merci. Soyez les bienvenus, Papa Suleiman. Alors, non seulement les bâtisseurs, il y a des bâtisseurs ici? On peut se lever, les bâtisseurs? Tous les bâtisseurs? Appelez. Ah, et amenons les âmes, qui enverrai-je, qui ira pour nous, qui enverrai-je, qui ira pour nous, qui enverrai-je, qui ira pour nous. On acclame les bâtisseurs. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce programme nous concerne principalement, c'est la suite de notre cours sur les sectes, n'est-ce pas? On avait parlé un peu de l'islam et des autres sectes, mais cette semaine, vous allez avoir davantage des connaissances beaucoup plus pratiques. Vous savez, quand quelqu'un parle d'une chose qu'il a vécue depuis son enfance, hein? C'est plus consistant. Amen. Amen. Alors, tous les départements d'évangélisation aussi, vous êtes invités. Et nous ouvrons la porte aussi à tous les archois. D'accord? Tous les archois, venez. Et tous les nouveaux inscrits à l'écomine, hein, vous êtes grandement invité. Vous allez avoir l'avantage de voir déjà cette portion du cours avant la fin de votre formation. Amen. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, notre thème des eaux profondes 2018, c'est vaincre la stagnation. Vaincre la stagnation. Du 3 au 17, nous sommes en jeûne et prière. Et on va vous donner le programme, le calendrier des activités dans les annonces. Prenez les textes de base, ce que nous serons en train de partager. Ésaïe chapitre 52, versets 13 à 15. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 6, versets 7 à 9. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 2. Il y aura d'autres textes qui vont venir au fur et à mesure. Mais voilà les textes de base. Lèvons-nous avec Ésaïe 52 et nous lisons. Et notre sous-thème de ce matin, ou le premier chapitre, c'est l'invitation divine pour le progrès. L'invitation divine pour le progrès. Je suis étonné ce matin, les gens sont venus déjà fatigués. N'est-ce pas?

Dieu respire notre progression. Quand vous lisez Actes chapitre 9, verset 1er, il est dit, Paul respirant encore la menace. Il respirait la menace. Je veux le paraphraser et dire, Dieu respirant le désir de nous voir progresser, nous appelle dans ses programmes des eaux profondes. Il respire cela. Il soupire après notre progrès. Alléluia. Voici, mon serviteur prospérera. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il se levera. Il se levera. Redondance, répétition. Prophète Esaïe, tu veux dire quoi? Qu'est-ce qui t'anime lorsque tu prononces ces paroles? Esaïe, je sens ce que Dieu sent. Je voudrais que quelqu'un sur la terre comprenne ce que Dieu est en train de dire. J'aimerais voir quelqu'un s'arrêter, considérer que Dieu l'invite à progresser. M'aider à dire à ses voisins, mon frère, Dieu t'invite à progresser. Dis-le comme le prophète Esaïe, s'il débarquait ici, il le dirait comment? Mon Dieu t'invite à progresser. Alléluia. Ce flash dans Esaïe est déjà sous-entendu au commencement, dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Lorsque Dieu créa l'homme à son image, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, c'est-à-dire qu'il fasse du bien. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Le Seigneur veut dire, créons l'homme de notre niveau. Créons l'homme à notre dimension. Créons l'homme avec le potentiel de fonctionner comme nous. Or Dieu est le Dieu de la prospérité, est le Dieu qui monte, est le Dieu qui s'élève, est le Dieu élevé très haut. Ne l'appelle-t-on pas le Dieu très haut? Vous avez déjà entendu ça? Le Dieu très haut. Mon serviteur montera. Il s'agit de qui, prophète Esaïe? Tu parles de qui? Je parle de Jésus. Avant que Jésus fasse son parcours de progression sur la terre, il est d'abord au ciel, avec son Père dans la divinité, dans la Trinité. Et Dieu dit, il y a un problème sur la terre, il faut sauver l'humanité. Le Fils dit, je vais au Père pour faire ta volonté. Et Jésus ne vient pas pour débarquer à Golgotha. Est-ce que Jésus est né à Golgotha? Il ne débarque pas à la croix. Et qu'un matin ou un après-midi, on voit, il y a un événement à Golgotha. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelqu'un qui est apparu là-bas, il est en train d'être crucifié. Non. Il naît comme un enfant. Il grandit. Il aide ses parents adoptifs. Et puis il arrive, il commence le ministère après le baptême. Et puis il passe dans les avenues et les rues de Galilée, de Jérusalem et dans tout le pays. il proclame la bonne nouvelle. Et puis il monte à Golgotha et il est crucifié. C'est un processus, c'est une progression. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Jésus? Mon serviteur prospérera. Il montera. Il se lèvera. Il se lèvera très haut, mon serviteur. Pourtant, dans la Genèse, cela est déjà sous-entendu. Je vais créer l'homme à mon image pour que les choses avec lesquelles je fonctionne soient aussi son partage. Dieu dit à quelqu'un ce matin, si tu es serviteur de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es servante de Dieu, tu as cru à Jésus, Dieu te dit ce matin, tu prospéreras, tu monteras, tu te lèveras, très haut. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé à son image. Le potentiel du progrès est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde le voisin, demande-lui, est-ce que tu existes? À moins que tu n'aies existé. Dès l'instant où tu existes, ce potentiel est en toi. Vous savez, aujourd'hui on voit des gens prospérer et évoluer dans d'autres secteurs alors qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Parce que le même potentiel depuis la création est en eux. Ils le rentabilisent à leur manière. Nous qui avons Dieu, nous avons plus d'avantages. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Jésus en nous. Jésus a dit, je dirai à mon Père, nous viendrons en vous et à lui et nous ferons notre demeure à lui. Or, le Saint-Esprit est déjà là. Toute la divinité habite en nous. Tout le potentiel de la prospérité, tout le potentiel du progrès est en toi. Tu n'as qu'à prospérer. Demande au voisin, est-ce que tu existes? Vérifie s'il te répond. Vérifie, est-ce que tu existes? Hein? Docteur, tu existes? Tu t'es marié hier. C'est bon le mariage? C'est bon, n'est-ce pas, maman? Tu es maman maintenant. Alléluia. Ils se sont mariés hier. On acclame le Seigneur. En chacun de nous réside le potentiel depuis le commencement. Le potentiel du progrès. Il suffit d'exister. À l'image de Dieu. Tu n'as qu'à prospérer. Tu ne peux que progresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Ça dit qu'il fasse du bien. Le verset suivant dit, et Dieu les bénit. Alléluia. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, 1, soyez féconds. 2, multipliez. 3, remplissez la terre. 4, assujettissez. 5, dominez. Faites du bien. Vous voyez cette progression? Avant de remplir, il faut être fécond. C'est la fécondité qui produit l'abondance. Lorsque tu es fécond dans les entrailles, il y aura abondance d'enfants dans ta maison. Et au temps de nos parents, il y avait le principe des 12. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens sont périmés, quoi. On n'arrive même plus à faire 8. 12. Le modernisme, beaucoup de principes de... On ne veut plus faire assez d'enfants. Hein? On n'a pas les moyens pour les élever. Et toi, tu as été élevé comment? Vous savez, si les parents réfléchissaient comme ça, il est possible que certains d'entre nous ici ne seraient pas là. Et donc, quand ils appliquent ces principes, il est possible que certains soient en train de ne pas venir. Tu empêches certains de venir. C'est vrai, il faut être sage et intelligent dans tout ces, la gestion de toutes ces choses-là. Alléluia. Mais Dieu dit, soyez féconds. Et cette fécondité que Dieu parle n'est pas seulement la fécondité dans les entrailles. C'est aussi la fécondité là. Tu peux toucher la fécondité là. C'est pourquoi, rapidement, il prit Adam et Ève et les mit dans le jardin d'Éden. Et il leur dit, cultivez les jardins, gérez les jardins. Genèse chapitre 2, verset 15. Il les plaça en Éden et leur dit, cultivez, gérez le jardin. Autrement, voici un exercice, voici une opportunité où vous allez exercer ce que je vous ai dit hier. Soyez féconds dans le jardin d'Éden. Multipliez, travaillez. Frères et sœurs, la progression est indispensable aujourd'hui pour chacun d'entre nous parce que tu ne progresses pas, ne t'étonne pas que tu es en train de reculer. Quiconque ne progresse pas, recule. Tu passes une année sans lire la Bible, tu recules. Tu passes une année sans gagner une âme, tu recules. Tu passes 2 jours sans prier, tu recules. Et lorsque tu ne progresses pas, il n'y a pas de vie. Et vous savez, la Bible déclare, quand la bassesse règne, au milieu du pays, du peuple, l'ennemi se promène librement. Tu peux le dire avec moi? Quand la bassesse règne au milieu du pays, l'ennemi se promène librement. Tu peux l'appliquer à toi? Quand la bassesse règne dans ma vie, l'ennemi va se promener librement dans ma vie. Quand la bassesse règne dans ma famille, il n'y a pas de progrès. Et l'invitation de la progression, c'est une invitation holistique, globale, qui fait appel à tous les domaines. Il ne faut pas progresser seulement dans un domaine. Le domaine où tu ne progresses pas va te rattraper. L'ennemi va passer par là où tu ne progresses pas. Progresse dans tous les domaines. Et Dieu nous invite à progresser. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui ou jamais, tu dois répondre à l'invitation. Vous savez, les invitations ne sont pas des mandats d'amener. Si vous voulez, vous répondez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Mais à vous, les conséquences. Et quand Dieu insiste, il insiste, il insiste, finalement, il vous laisse. Et vous naviguez dans votre misère, dans votre misère intérieure, dans votre misère là-dedans. Et le diable vient et il amplifie cela afin de vous enfoncer une fois pour toutes pour que pour vous en sortir, ça devienne plus difficile. Alors que le potentiel du progrès est déjà dedans. Merci Seigneur pour le potentiel du progrès. Quitte à chacun d'entre nous de répondre à l'invitation. dans l'attendement de Dieu, l'homme créé à son image ne peut que progresser. Parce que Dieu a prononcé des phrases sur cet homme, et ces phrases-là sont créatrices. Quand Dieu dit « Sois fécond », tu deviens fécond. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'avoir des enfants. Dieu te dit « Sois fécond ce matin ». Et de même comme au commencement, tu deviens fécond à partir de maintenant. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Il est écrit, car sa parole est esprit et vie. Dans la parole de Dieu, c'est l'esprit. Dans la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Lorsque tu écoutes le son de ma voix, les phrases qui entrent dans tes oreilles, sont en train d'y apporter la vie. Parce que ce sont des phrases de Dieu. Ce sont des paroles de l'Éternel. Et les paroles de Dieu sont esprit et vie. Il est écrit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Mais comment ça? J'ai entendu des sons? Oui. Ce sont des sons de vie. C'est des sons de vie. Voilà, suffit, ouais. C'est donc l'homme qui est fécond ne peut que se multiplier. La fécondité conduit à l'étape suivante. L'abondance. Et l'abondance conduit à l'étape suivante, quoi? L'assujettissement. Lorsque tu as produit de l'abondance, finalement, tu assujettis ton environnement. Regardez, tu as ouvert des quincailleries en ville, à Birere, à Katindo, à Himbi, hein? ou aussi à Kimuti, à Kilijiwe, Kinyumba, qui partout là, les qui là, tu as mis des quincailleries. Finalement, tu as assujetti la ville en matière de quincailleries. Mais tu as commencé par où? Tu as eu la fécondité là-dedans. Tu as réfléchi. Et tu as posé les premiers actes. C'est-à-dire, tu as multiplié. Multiplier, et puis tu es assujetti. Mais après que tu es assujetti, tu domines. Les gens qui assujettissent dominent. Les hommes qui sont partout finissent par dominer. Ils finissent par dominer. Si vous me comprenez. Dans le passé, certains hommes dans les cultures africaines devenaient polygames afin de dominer. C'est-à-dire, j'ai 5 enfants, j'ai 5 femmes, j'ai 10 femmes, j'ai 60 enfants dans le village. Quand nous allons au champ, c'est 60 êtres humains qui vont au champ. Et quand c'est l'heure de la récolte, nous ramenons des tonnes de haricots. Et celui qui a une seule femme et ses 3 enfants ramène la moitié d'un sac. Et quand nous allons au marché, nous amenons nos tonnes au marché. Et cette famille qui a 3 enfants amène la moitié du sac au marché. Nous ramenons des tôles pour construire. Cette famille ramène quoi? Quelques biscuits. Alléluia. Lorsqu'on a assujetti, on finit par dominer. On finit par devenir une référence. Mais une référence positive. Certains sans Dieu deviennent des références négatives. Certains, sans Dieu ou loin de Dieu, dominent pour le mal et par le mal. Ils ont été féconds dans le négatif. Ils ont multiplié dans le négatif. Ils ont assujetti dans le négatif. Et puis ils dominent dans le négatif. Mais l'appel de Dieu, c'est de dominer selon Dieu, selon la parole. De dominer pour le bien, c'est faire du bien. Dieu n'a jamais chargé Adam de dominer par le mal. Jamais. Alléluia. Alléluia. Et donc la dotation divine sur notre existence nous pousse, nous booste, nous envoie dans le progrès. Dans le progrès. Tu n'as pas été doté pour juste te délecter des bienfaits de Dieu. C'est pour produire. C'est pour permettre à ta destinée de progresser. C'est pour faire que ta destinée devienne rentable. Que ta vie devienne rentable. Alléluia. À moins que tu ne sois vivant, tu es invité à progresser. Certains arguments, nous les avons pour stagner, pour ne pas avancer. Les uns disent, tu vois, pasteur, je suis né dans une famille pauvre. Au moins, vous autres là, vous êtes bien nés. N'est-ce pas? Alors, pourquoi tu ne progresses pas? Non, les gens ne m'aiment pas. Pourquoi tu ne progresses pas? Non, tu vois, nous, moi je suis orphelin. Et plus fort encore, je suis orphelin de père et de mère. Hein? Et tu as quel âge? 35 ans. Pourquoi tu ne progresses pas? Tu vois, c'est l'économie du pays, ça ne permet pas aux gens. Pourquoi tu ne progresses pas? Tu vois, nous qui sommes noirs, au moins les gens qui sont bruns là, ils sont attrayants quand ils vont postuler. Nous, quand on est noir là, bois noir là, quand on s'approche là, on nous repousse. Pourquoi tu ne progresses pas? Non, tu vois, on a autant de raisons pour ne pas progresser. Mais écoutez-moi, plus tu acceptes d'intégrer le principe de la stagnation dans ton système de fonctionnement, c'est toi qui perds. Bientôt, quand tu stagnes, tu commences à perdre même ce que tu as. Il est écrit, on notera même ce que tu crois avoir. Quand tu stagnes, frère, bientôt, tu n'auras plus le Minerva pour les enfants. Les amis vont t'amener, t'inviter à la vallée de l'ombre de la mort. Pour dire, viens, tu es très solitaire, viens. Mais viens où? À la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu ne progresses plus, tes économies s'en meurent. Quand tu ne progresses plus dans ta famille, les enfants commencent à commettre des incestes là-dedans. Vous connaissez l'histoire du roi David, lorsqu'il a commencé à prendre la femme de son serviteur et l'a tuée, les incestes ont commencé dans sa maison. C'était l'heure du combat et de la guerre. Avant, c'est le grand héros, roi David. Mais cette fois-ci, il est resté à la maison pendant que son armée est partie au combat. Est-ce que tu progresses, roi David? Non, je me repose un peu. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour la prospérité du pays. Maintenant, c'est le temps de manger et de me reposer. Hein? Tu te reposes, oui. Ok, il y a un balcon là-bas. Donc, je prends de l'air au balcon. Et tu prends de l'air au balcon, tu vois une femme qui se baigne. Elle est tellement glorieuse. Ses richesses sont terribles. Et David a vu les richesses de Bathsheba. Le malheur a commencé. J'aime ce que Nathan dit. Il dit à David, « Ô roi, vis à jamais. Voici l'histoire. Un grand avait de grands troupeaux et puis il eut des visiteurs chez lui. Mais il avait gardé une brebis, un pauvre lui avait fait garder sa brebis dans ses grands troupeaux. Et voici ce qui arriva. Lorsque ce grand riche reçut ses visiteurs, il alla prendre la brebis du pauvre et l'égorgea pour ses visiteurs. Si c'était toi, ô roi, un riche comme ça offrirait quoi de lui? Vous connaissez la réponse? Un tel homme! Je pense David a même fait Hakiamou. Un tel homme, on le prendrait, on le mettrait d'ailleurs. Et Nathan dit, tu as bien répondu. Le monsieur en question, c'est toi. Tu as eu des visiteurs. Il avait eu les visiteurs où? N'est-ce pas que vous avez des visiteurs tout le temps dans vos corps là? Dites à ton voisin, attention à ce genre de visiteurs. Si tu ne vas pas aller égorger la brebis du voisin ou l'enfant du prochain. David, tu ne progresses plus. Et à partir de ce crime, Amnon va tomber amoureux. Coup de foudre de sa sœur, Tamar. Quand dans une famille, on ne progresse plus, il y a des bêtises. Il y a des malheurs, il y a des crimes qui vont venir là-dedans. Que dans un pays, ça ne marche plus, ça ne progresse pas. Vous allez consommer vos économies, vos stocks, vos réserves. Et après avoir fini les réserves, vous allez commencer à vous manger les uns les autres. Lorsque dans une famille, vous ne progressez pas, attendez-vous à des choses terribles qui vont vous arriver. Malheureusement, la stagnation vient comme un fantôme. La stagnation vient de manière sournoise. La stagnation n'a jamais prévenu. Personne tel qu'assis ici ne me dira, « Pasteur, hier, j'ai reçu un visiteur, il s'appelle Stagnation. Il m'a dit, est-ce que je peux entrer dans ta vie? Avez-vous déjà eu cette expérience? » La stagnation vient comme un fantôme. Et elle s'installe. Malheureusement, nous la recevons naïvement. Avec des arguments comme ce qu'on vient de citer. Nous recevons ces visiteurs malveillants. Et dès qu'ils s'installent, il fait des invitations aux démons, aux malheurs, à des choses incroyables et qui viennent dans notre vie, dans notre famille, dans notre entreprise. Quand vous stagnez, n'est-ce pas, dans votre entreprise, vous êtes poussé à aller prendre une dette, un crédit. Mais quand vous progressez, ça marche. Lorsque vous progressez dans l'église, n'est-ce pas? La sorcellerie, les démons et toutes ces choses-là n'ont pas de place. Mais quand l'église stagne, n'évolue plus, les sorciers viennent et ils entrent dans la classe d'orientation. Et ils progressent. Vous savez, quand donc, les justes ne progressent pas, les méchants, eux, progressent. Et des sorciers rentrent. Et on les baptise. Hein? Et puis ils entrent dans les départements. Et ils deviennent des grands serviteurs de Dieu. Sorciers, grands serviteurs de Dieu, ça marche? Et puis ils deviennent des anciens. Et puis ils deviennent des pasteurs. Et puis. Et le résultat final, on ne sait plus si c'est toujours l'église ou si c'est autre chose. Avez-vous vu ce genre de choses? Oh, le chef de la chorale a engrossé la chanteuse là. Oh non, les pasteurs, hein, on l'a trouvé avec le chef de l'intercession. Oh. Et ça ressemble à quoi? D'où cela est venu? Certainement, la stagnation est entrée. Et depuis que la stagnation est entrée, tous les malheurs sont venus. Et le sort final, c'est la honte, c'est la misère. C'est la destruction. Tu as peut-être des arguments qui te poussent à accepter ces fantômes. Tu as peut-être des raisons qui te font dire, écoutez, laissez-moi. C'est plus fort que moi. Ce n'est pas ma faute. C'est à cause de mes parents. J'ai été mal né derrière la maison. Vous autres, vous êtes nés à Île Africa. Moi, c'était sur un morceau de bananier. Laisse-moi te dire, frère, le simple fait que tu sois né à l'image de Dieu, c'est que tu es condamné, tu es obligé de progresser. Tu as l'appel au progrès. Dis-le au voisin. Le simple fait que tu es né, tu es obligé de progresser. Écoutez, les raisons que nous nous donnons peuvent paraître des raisons valables. Mais par rapport à ce que Dieu a dit au commencement, ce n'est jamais valable. Que dire de cet homme qui, on l'appelle Nick, cet homme qui est comme un morceau. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de membres inférieurs. Nick, cet homme-là, on dirait il me répond. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Voilà. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Amen. Pourquoi? Est-ce que cet homme est créé aussi à l'image de Dieu? Sans bras, sans pieds? C'est toujours l'image de Dieu. Est-ce qu'il a raison de stagner? Est-ce qu'il a raison? Peut-il avoir une belle famille? Une belle femme? Un fils, une fille? Pourquoi toi tu stagnes? Quelle est la valeur de tes raisons? N'as-tu pas les deux pieds, les deux bras? N'as-tu pas tout ce qui est nécessaire? N'es-tu pas mieux que lui? Dieu t'invite à progresser. Jette dans la poubelle tout ce ton argumentaire. Jette ça. Laisse ces idées diaboliques qui ne te gardent que pour justement te ruiner une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Est-ce que vous savez que cet homme sera aussi devant Dieu un jour? Et que ce jour-là, tu seras là toi aussi. Et que tu diras à Dieu, Seigneur, j'étais mal né. Seigneur, j'étais né à Massissi. Tu as une infirmité, un handicap? C'est ça la raison? Tu es orphelin? Personne ne te case? Et pour la vie spirituelle, je n'ai pas de Bible? Ou alors, je n'ai pas d'église? Ou plus encore, dans notre église, on ne programme pas des séminaires ou des enseignements pour nous aider? Quelles sont tes raisons? Tu veux rester stagné jusqu'à quand? Ta destinée est précieuse. Lève-nous, on va prier. Il n'y a pas de plus grande richesse que ta destinée. Et ta destinée, c'est une mission. Ta destinée n'est pas une veste à porter. Ta destinée n'est pas une maison qu'on va t'offrir. Ta destinée, c'est un voyage, c'est une mission, c'est un travail. Commence à prier. Demande à Dieu de te dégager de ces stagnations. Demande à Dieu de te soulever. Demande à Dieu de te booster. Demande à Dieu de te sortir de là. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que prie le Seigneur sérieusement. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, sors-moi de la stagnation. Depuis le commencement, tu as prévu que je progresse. Qu'est-ce qui te retient, mon frère? Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans ton ministère? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui a vraiment raison de t'empêcher? Qu'est-ce qui a raison sur toi? Quelqu'un parle à Dieu. Quelqu'un parle à Dieu. Parle sérieusement du fond de ton cœur. Il faut que ça change. Amo zindo na yo e. Amo zindo na yo e. Emmanuel.